Alléluia, alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther encore en ce dernier mois, en ce dernier jour du mois. Le Seigneur nous a fait grâce et aujourd'hui, nous allons passer le temps seulement beaucoup plus dans la prière parce que la prière est très importante, la prière est bien et par la grâce de Dieu, nous devons achever l'année en prière. Parce que la fin d'année, c'est une période critique, c'est une période difficile, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit pour nous les enfants de Dieu, c'est une période compliquée où nous devons être en éveil. C'est vrai que nous devons être en éveil tous les jours, toute l'année. Il n'y a pas des jours où il faut être en éveil spécialement, mais nous allons entamer dans la prière. Mais avant toute chose, nous allons adorer le Seigneur comme d'habitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, tu peux inviter quelqu'un, tu peux te connecter, tu peux également partager parce que tu en as besoin. Sois béni dans le nom de Jésus. Signale déjà à tous ceux qui nous attendent que nous sommes déjà là parce qu'il y a beaucoup qui sont en attente. Invite un ami, invite une amie. Et ce soir, nous allons être bénis, bénis et bénis encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis, soyez bénis. Yes, you are the Lord, Most High. Nous adorons ce Dieu, c'est notre Dieu, nous l'adorons. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Ce soir, nous allons prier et je vais vous donner des sujets de prière stratégiques pour achever avec 2017 en beauté. Most High, yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High. Oui, tu es le Dieu très haut, c'est le Dieu très haut que nous servons, à qui nous croyons, à qui nous espérons. Celui qui a promis qu'il viendra nous rechercher et il nous prépare des places de choix dans le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Soyez bénis de près ou de loin. Que le Seigneur réponde à la question qu'une personne se pose ce soir. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Yes, you are the Lord. Most High. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Tu dois finir cette année dans l'adoration. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu dois adorer le Seigneur. Ne sois pas égoïste. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Ou bien si tu es dans, chez toi en train de voir devant ta télé, appelle quelqu'un, appelle un voisin, appelle un ami, appelle ton frère pour venir suivre cette vidéo. Nous sommes en fin d'année et le Seigneur a de grands projets pour toi. Donc ne sois pas égoïste, partage. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Peut-être la personne que tu vas inviter, ce sera le moyen de la sauver, bien-aimé. Nous devons tout faire pour ne pas laisser les gens à côté de nous en train d'aller en enfer. Pas du tout. Parce que l'enfer est tellement réel. Et nous, les enfants de Dieu, nous pensons que c'est la blague. Nous pensons que c'est parce que nous parlons de Jésus que nous allons échapper à l'enfer. Nous pensons que parce qu'on va à l'église, qu'on va échapper à l'enfer. Bien aimé, c'est bien plus que ça. Et nous devons être conscients de ce que nous devons sauver nos âmes. Et non seulement nos âmes, mais les âmes de tous ceux qui sont à côté de nous. Messiah, yes, you are the Lord. Messiah, yes, you are the Lord. Messiah, yes, you are the Lord. Alléluia, nous allons encore adorer le Seigneur. C'est très très important, nous allons encore adorer le Seigneur avant de prier ce soir. Parce que le Seigneur est celui-là qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous allons l'adorer. C'est très important pendant que nous invitons les uns et les autres. Pendant que tu es en train d'appeler un voisin, tu appelles une voisine, tu appelles un invité, un cousin, une cousine. Qui va venir écouter cette vidéo pour sauver son âme? Je vous ai fait le témoignage qu'un jour j'ai évangélisé un taximan seulement avec une vidéo. Je suis entrée dans le taxi et j'ai mis la vidéo. Il a commencé à écouter et arrivé à destination, le gars voulait déjà donner sa vie au Seigneur. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler maintenant. Invite quelqu'un à écouter la parole de Dieu et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Il va te bénir également. Nous sommes en fin d'année et nous devons traverser. Bien-aimé, tu ne vas pas traverser comme d'habitude. 2018 doit être une année d'excellence pour toi. Et c'est maintenant que ça se prépare. Ce n'est pas en 2018, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Si tu n'as pas géré bien cette période, cette transition, cette fin d'année, L'année prochaine, tu vas trimer. Ça ne va pas donner pour toi. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Ce soir, nous allons beaucoup, beaucoup prier. Parce que nous devons prier. Bien-aimé, adore le Seigneur ce soir. Adore le Seigneur. Il est le Dieu très haut, il est le Dieu tout puissant. Si nous sommes en vie, si toi et moi nous sommes en vie aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes forts. C'est pas parce que nous ne péchons pas. C'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Et qui, dont le seul désir, c'est de ne pas perdre nos âmes. Le Seigneur veut nous sauver. C'est pour ça que tu respires encore ce soir. Parce qu'il veut t'amener à la repentance. Adore le Seigneur. Dis-lui, tu es le Dieu très haut. C'est ce que la chanson dit. Oui, tu es le Dieu très haut, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu élevé, le Dieu qui est assis sur le trône. Le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Qui a créé tout ce qui existe. Tout ce qui subsiste. Le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui nous a créé. Oh, nous t'adorons ce soir. Tu es le Dieu très haut. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Seigneur, tu es vrai, même si les hommes disent que tu n'existes pas. Seulement quand nous regardons le ciel, nous voyons la nature. Nous tous, nous comprenons qu'il y a un Dieu qui existe. La nature en elle-même témoigne de ton existence, de ta grandeur. Seigneur, quand nous sommes face à la mort, nous comprenons qu'il y a un Dieu qui existe. Et nous constatons la limite de l'homme. Nous venons t'adorer ce soir. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Reçois cette adoration, Seigneur. Oh Seigneur, merci, merci encore parce que ce soir, tu vas parler à quelqu'un. Ce soir, amener quelqu'un à la repentance. Cette soir, tu vas délivrer la vie de quelqu'un. Ce soir, tu vas permettre qu'une personne traverse dans de bonnes conditions. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous t'invitons dans notre émission. Pardonne nos péchés, Seigneur. Lave ta servante. Que je sois un canal que tu utilises. Un canal qui va transmettre ton message. Qu'une femme soit bénie. Je viens lier tout esprit de contradiction, de malinterprétation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui viendra perturber, que ce soit le réseau, que ce soit les appareils, le technicien, ou bien tout le monde qui va suivre. Que ces esprits soient liés, enchaînés, envoyés dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie le Saint-Esprit dans chaque maison, toute personne qui va suivre cette vidéo, en direct ou en différé. Le Saint-Esprit te rend ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Most High, yes, you are the Lord. Mosa, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Mama Tchala, l'humble servante du Seigneur pour vous bénir, pour vous servir. Et ce soir encore, le Seigneur a mis une parole dans mon esprit. Comme nous avons commencé dans les précédentes vidéos, nous sommes en train de préparer la traversée, en train de préparer la fin de l'année, en train de préparer la nouvelle année. Et je disais à une personne que depuis que j'ai compris que les années se préparent à l'avance, je n'entends plus les années comme tout le monde. Et depuis que j'ai commencé à préparer mes fins d'année et à préparer mes débuts d'année, mes années sont différentes les unes des autres. Quand je m'arrête pour faire mon bilan de 2017, il est excellent. Elle dit, je ne mâche pas les mots. Mon bilan 2017 est parfait, excellent. La majorité des choses que j'ai demandé au Seigneur, il me l'a accordé. Pas seulement des choses de la terre, même dans le domaine spirituel. Le Seigneur m'a restauré davantage. Il m'a rempli de la connaissance de sa parole. Avant, quand je lisais la parole de Dieu, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Maintenant, quand je lis la parole de Dieu, et c'était un de mes sujets de prière en début d'année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi la connaissance de ta parole, révèle-moi ta parole. Et maintenant, quand je lis la parole de Dieu, le Seigneur ouvre mon esprit et je commence à percevoir les choses de l'esprit. Je commence à comprendre les choses d'en haut et je suis béni. Les années précédentes, je n'avais pas ça. Je n'avais pas cette connaissance. Et le Seigneur est en train de m'amener en eau profonde, petit à petit, au fur et à mesure. Ça fait 12 ans que je sers le Seigneur. Et en 12 ans, quand je regarde en arrière, le Seigneur a fait de grandes choses. Et cette année qui est en train de finir, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Bien-aimé, d'ici quelques mois, je vous ferai de grands, grands témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux dans ma vie. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec toi. Bien-aimé, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais interpeller un homme, interpeller une femme, interpeller l'esprit de quelqu'un. Pour dire que le monde dans lequel nous vivons si est appelé à finir. Quand on ne nous trompe pas, nous avons vu une vidéo, j'ai vu une vidéo sur Facebook il y a quelques jours qui m'a choqué dans mon âme. Une belle dame, la femme était belle. Elle est allée dans une fête à Zurich. Et pendant la fête, la fille a été nominée, je crois Miss et tout ça, elle était en train de danser. Si 10 minutes avant, on allait dire à cette fille que toi là, dans 15 minutes, tu ne serais plus sur cette terre. La fille, peut-être elle a insulté la personne, comme beaucoup viennent sur les vidéos des hommes de Dieu, pour insulter, pour critiquer, pour faire des choses bizarres. Elles ne savent pas que leurs heures sont comptées, leurs minutes sont comptées. Si on avait dit à cette fille que ne part pas danser, viens on prie, viens écouter une vidéo. Si quelqu'un lui avait dit que bon, il y a l'école d'Esther qui est en direct, il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher, viens on suit la vidéo. Elle dit, laissez-moi vos histoires là, vous aimez trop là, Dieu, Dieu partout, je m'en vais danser. Elle ne savait pas que ça allait être la fin de sa vie. Bien aimé, les choses comme ça doivent t'interpeller. Ça doit t'interpeller de rester, regarder que, qu'est-ce que j'ai de plus que cette femme? C'était une belle femme, quand vous voyez la photo, elle était très belle. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui était malade, elle était en bonne santé. Mais elle ne savait pas que le Seigneur avait déjà compté ses jours. Que ses jours étaient comptés. Peut-être elle avait été sacrifiée dans sa famille. Peut-être même dans cette fête, elle avait été empoisonnée. Peut-être c'est Dieu même qui avait dit que je vais te prendre parce que tu refuses de te repentir. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Dieu l'a puni. Écoutez-moi très bien. Je dis que son temps était compté. Et toi aujourd'hui qui me regardes, je ne sais pas quel temps il te reste. Moi-même qui te parle aujourd'hui, je ne sais pas combien de minutes il me reste. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose qui est vraie. Quand tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Le ciel existe et l'enfer existe. Quand quelqu'un meurt, on vient s'amuser à dire, oh, paix à ton âme, rip. Ce sont les conneries. L'âme d'une personne qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. D'une personne qui a reçu Jésus et qui n'a pas persévéré. Mon ami, vous allez dire des milliers de rip. La personne, son âme ne sera jamais en paix. L'âme de cette personne, à l'instant où vous parlez, est déjà en train de brûler en enfer. Et pour être tourmentée éternellement. Parce que c'est quand on a encore le souffle de vie, c'est quand on respire encore, qu'on a la capacité de se réconcilier avec notre Dieu. On a la capacité d'arrêter, d'inviter Dieu dans nos vies pour dire, Seigneur, Seigneur, ma vie. Bien-aimé, aucune religion ne va te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Ton pasteur même ne peut pas te sauver. Jésus seul peut te sauver. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il va te garantir la vie après la mort. J'ai vu, il y a un homme, quelqu'un qui a publié sur Facebook que, ah, vous parlez trop de l'enfer aux gens. Moi, je sais Dieu et je n'ai pas fait un concours pour arriver sur la terre. Dieu sait comment il va faire avec moi après la mort, mon ami. Quand il dit dans Matthieu 7, 21, que quand Jésus reviendra, beaucoup vont lui dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Prophétiser, c'est faire quoi? Ce n'est pas servir Dieu? Chasser les démons, c'est quoi? Ce n'est pas servir Dieu? Mon ami, moi-même, je disais ça. Car je sais Dieu. Et Dieu ne peut pas me laisser. Non! Dieu va laisser beaucoup qui disent le servir, mais qui ne mettent pas sa parole en pratique. Beaucoup qui n'ont pas fait la paix avec lui, qui ne font pas la paix avec lui tous les jours. Dieu va les laisser. Quand j'ai reçu cette révélation, j'ai frémi dans mon esprit et je me suis arrêtée. J'ai dit que ça ne sert à rien même. On va commencer à dire, moi j'ai servi, j'ai prêché, mon ami, je me suis arrêtée. J'ai commencé à traiter avec mon âme, traiter avec mon cœur. Là, d'où la dernière vidéo où je t'ai invité à traiter avec ton cœur. J'ai fait une liste de choses comme ça que j'ai trouvées dans la Bible et que j'ai identifié en mal dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu dois me délivrer de ça. Parce que l'apôtre Paul qui était là, un apôtre par excellence, il pouvait dire, je traite durement mon corps. Afin qu'après avoir prêché pour les autres, que je ne sois pas rejeté. Sur cette terre, qui a pu faire encore le travail de l'apôtre Paul? Celui qui a fait ce travail, il dit qu'il traite durement son corps. Et d'autres me disent que non, on sait seulement Dieu. Dieu va se faire comme il va faire avec nous. Mon ami, ce sont les mensonges. Je vous dis la vérité. Je vais commencer à vous faire écouter les vidéos des gens qui ont vu l'enfer. Des gens qui ont vu le ciel. Quand vous allez écouter ça, ça va réveiller vos esprits. Nous ne devons pas nous amuser. Le temps que nous avons est précieux et il est court. À chaque instant, arrête-toi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais la paix. Reçois Jésus. Si tu es déjà un enfant de Dieu, à chaque instant, fais le checking de ton corps, de ton cœur. Est-ce que dans mon cœur, il y a encore la méchanceté? Est-ce que dans mon cœur, il y a encore la haine? Seigneur, délivre-moi. Mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mets en moi l'esprit qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et une fois maintenant que ton ciel est prêt, les choses de la terre, Dieu va te donner ça comme ça. En cette fin d'année, tes sujets de prière doivent d'abord être, comme on a vu la dernière fois, que le Seigneur purifie ton cœur, il purifie ton cœur, et maintenant qu'il te remplisse de son esprit, que le Seigneur te transforme, oui, pour que tu n'entres pas en 2018 étant la même personne. Ça fait combien d'années que tu as reçu le Seigneur? Moi, ça fait 12 ans. Mais tu as les mêmes mauvaises habitudes. On te repose toujours la même chose. Aujourd'hui, il y a une maman qui m'a appelée. Elle me dit, maman, dans notre église, il y a un prophète. Et le prophète a commencé à dénoncer les anciens de l'église, les gens de l'église, que toi, ta vie n'est pas bien. Toi, je lui demandais que maman, ça vous étonne. Vous pensez que Dieu va venir prendre les gens comme ils sont là, ils sont en train de s'amuser, ils sont à l'église, ils jouent. Dieu ne prendra pas des gens comme ça. Jésus sera désolé, va te dire que mon cher ami, je sais que tu allais à l'église tous les jours, tu étais fidèle à l'église, mais je suis désolé. Ta qualité de personne, ça n'entre pas ici. Mon ami, si tu rates le ciel, oh, moi depuis que j'ai, le Seigneur a réveillé mon esprit sur ces choses. À chaque instant, je sursaute. La seule chose qui me fait peur maintenant sur la terre, c'est à l'idée de rater le ciel. Beaucoup de personnes ont peur parce que voici la fin d'année, je n'ai pas, je vais porter quoi? Je n'ai pas de quoi acheter les chaussures, je n'ai pas de quoi acheter la nourriture à mes enfants. Voilà les choses qui effraient les personnes. Elles ne frémissent pas de savoir qu'elles peuvent aller en enfer. C'est un truc qui existe et qui est vrai. Je te dis la vérité. L'enfer est vrai. L'enfer est vrai. Et le ciel est vrai. Donc, et c'est maintenant que tu négocies ton passage. Tu négocies. Ce n'est pas quand une personne meurt qu'on va commencer à prier pour la personne, que son âme monte aussi. Non, on ne prie pas pour les âmes des morts. La Bible dit que le mort est mort. C'est maintenant que tu décides de choisir de vivre avec Dieu pour l'éternité ou bien d'aller en enfer. Mais il y a des religions, quand j'arrive dans ces choses, ça me fait tellement mal. Le purgatoire c'est l'enfer. Dans la Bible satanique, le purgatoire, là, c'est là-bas que la religion a appris l'histoire du purgatoire. Donc le diable a trompé les gens que quand tu meurs, tu vas au purgatoire. Il ne te dit pas que c'est en enfer que tu pars. Où on va te châtier pour les péchés que tu as fait. Mon ami, on va te châtier éternellement. Donnons nos vies à Jésus, recevons Jésus, arrangeons nos vies avec Dieu. Même si nous avons fait quoi, le Seigneur est capable de nous restaurer. Le Seigneur est capable de nous pardonner nos péchés. Demande au Seigneur en cette fin d'année de te préserver du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul péché qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ça veut dire quoi, blasphémer contre le Saint-Esprit? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de dire que les miracles qu'un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit fait, ce sont les miracles du diable. Ça, c'est le blasphème. Si tu as fait ça vraiment, la Bible dit qu'on ne doit même plus prier pour toi. Donc, demande au Seigneur de te préserver du blasphème contre le Saint-Esprit. Quand tu ne sais pas, quand quelqu'un fait ces choses, ces miracles et tout, mon ami, ne jugeons pas les hommes de Dieu. Laissez-les faire leur truc. À la fin, Dieu va les juger. Amen. Donc, c'est ce que je voudrais d'abord t'interpeller en cette fin d'année. De toujours savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité. Mais moi, je te conseille le ciel. Aucune religion ne sauve. Aucune religion. Moi, quand j'étais dans la religion, on nous avait appris que le sceau de Dieu, c'était le sabbat. C'est très faux. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu lis, l'apôtre Paul a parlé de ça dans 1 Corinthiens, dans Hébreu, dans Galates, dans Éphésiens. Quand Jésus reviendra prendre l'église, il prendra ceux qui auront le sceau de Dieu. Donc, 7, 7, 7. Avant, on pensait que c'était le septième jour qui était le sceau de Dieu. Non. C'est ceux qui auront le Saint-Esprit. Dieu nous a scellés par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est là où tu vas aller voir Dieu. Mais si tu meurs n'étant pas rempli du Saint-Esprit, mon ami, même si tu étais pasteur, tu es en enfer. Nous parlons de la fin d'année. L'année est en train de finir, 2017. Et en cette année, le Seigneur avait prévu des bonnes choses pour toi. Dieu avait prévu des bénédictions pour toi. Dieu avait prévu de te faire encore avancer. Parce que si tu avances en âge, ça veut dire qu'à chaque année, il y a des bénédictions liées à chaque année. La bénédiction de 30 ans, quand Jésus a eu 30 ans, il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé son ministère. À 31 ans, Jésus a évolué. C'est sûr que les miracles qu'il faisait à 30 ans, à 31 ans, il a fait plus de miracles. À 32 ans, il a fait plus de miracles. Et à 33 ans, c'était l'apothéose où il a accompli sa mission. Donc, chaque année que le Seigneur te permet de passer sur la terre, c'est parce qu'il veut t'amener de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Déjà, sauver ton âme, on a arrêté cela. Le Seigneur veut d'abord ton âme. Maintenant, une fois que ton âme est prête, et les années même qui te permettent de passer, c'est pour que tous les jours, tu te perfectionnes. Que tu sois délivré, que tu te réconcilies avec lui davantage. Il veut parfaire ton caractère, il veut parfaire ta personne, ton homme intérieur. Et maintenant, 2017, quand le Seigneur envoyait cette année, il avait prévu que cette maladie-là devait te quitter en 2017. Il avait prévu t'élever en 2017. Il avait prévu te délivrer des liens de ta famille, parce que nous tous sommes dans des familles où il y a des liens, où il y a des envoûtements. Et au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur te révèle certaines choses et il prévoit pour toi des bénédictions. Mais de l'autre côté, quand Dieu prévoit de te bénir, il y a également l'ennemi qui est en train de prévoir aussi te bloquer, te maudire. Donc, pendant que le Seigneur, lui, il a prévu des bénédictions pour toi, beaucoup sont en train de faire des imprécations. Ils sont en train de faire des envoûtements parce que le Seigneur te permet d'avancer et tes ennemis voient ton avancement, ils voient tes percées et les gars commencent à faire encore des complots. Ils commencent à faire des programmes. Comment on va faire pour la détruire? Comment on va faire pour détruire son entreprise? Comment on va faire pour détruire son mariage? Comment on va faire pour détruire ses finances? Comment on va faire pour détruire sa santé? Donc, depuis janvier, les gars sont en train de travailler. Les gars sont en train de travailler. On doit l'empêcher de se marier. On doit l'empêcher d'avoir des enfants. On doit l'empêcher de créer son entreprise. On doit mettre le trouble dans sa famille. Les gars ont commencé à faire des choses. À faire des choses. Dès qu'on voit que tu commences à construire la maison, les gars t'attaquent. Non, tout le monde doit construire, mais tu ne vas pas entrer. Peut-être tu as commencé à construire ta maison en cette année. Et ils ont vu, ils ont dit qu'on va voir comment tu vas entrer. Et les gars ont projeté ne pas... Elle dit que quand tu ne traverses pas la fin de l'année. On va prier ce soir. Tous les programmes. Parce qu'il faut que tu ailles en 2018 avec de nouveaux programmes. Avec de nouveaux combats. Avec de nouveaux projets. Donc les malédictions, les complots de 2017 là. On doit finir avec ça. Ce soir. Et maintenant en décembre. Donc à partir de demain... On doit maintenant attaquer 2018 parce qu'il faut attaquer. Je vous avais fait dans une vidéo, je vous avais parlé de la stratégie de Josué. Josué qui était l'homme qui avait gagné tous ses combats après Moïse dans le Josué 1. Josué avait gagné tous les combats. C'est lui qui avait amené le peuple de Dieu dans la terre promise. Et la Bible dit que Josué n'avait jamais connu de défaite. Josué, c'est l'homme qui avait dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Josué a dit que tant que je ne gagne pas, mais la bataille ne va pas finir. Et le Seigneur a arrêté le soleil. Et je vous avais dit que vous savez quelle était la stratégie de Josué. Et je vous avais expliqué, on va pas lire ça ce soir. Ce soir, on va prier. Le Seigneur m'avait révélé, parce que quand j'avais médité dans le livre de Josué, que j'ai dit, le Seigneur, comment ce monsieur-ci? Nous avons les combats tous les jours. Moi, alors, c'est terrible. Comment on peut vivre dans un monde où on est tellement combattu? Et le Seigneur m'a dit, je vais te révéler la stratégie de Josué. Quelle était la stratégie de Josué? Josué attaquait ses ennemis par surprise. Regardez quand il fallait prendre Jéricho. Il envoyait d'abord des espions. Aller explorer le pays. Aller voir ce qui se passe à Jéricho. Parce qu'il ne savait pas, Jéricho était clôturé. Et ils sont partis. Et c'est le Seigneur qui lui révélait cela. Et quand ils sont revenus avec le rapport. Donc, Josué même d'abord était parmi les espions. Oui, ça c'est quand Moïse vivait. Josué était parmi les espions qui étaient venus avec la bonne nouvelle. Et le Seigneur lui a montré que voilà donc la stratégie. Les gens de Jéricho ne savaient pas que les enfants d'Israël devaient les attaquer. Et maintenant, quand Josué devait encore partir, Josué avait encore envoyé des espions. Il envoyait des espions. Et maintenant, le Seigneur disait à Josué, pour gagner tes ennemis, il faut que tu les supprennes. Et c'est comme ça que beaucoup de sorciers supprennent les enfants de Dieu. Bien-aimés, un ennemi qui vient en face de toi, tu le vois venir, tu peux facilement et mieux l'affronter. Mais quelqu'un qui te vient par le dos, qui te donne la lâcheté, comme on dit souvent, qui te poignarde par le dos, c'est difficile de se relever de ce genre d'attaque. Et le Seigneur m'a dit, ma servante, il faut les attaquer par surprise. Et notre espion, par excellence, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te révèle ce qu'on est en train de projeter contre toi. Le Saint-Esprit te révèle les cabales qu'on est en train de former contre toi. Le Saint-Esprit peut te révéler que là où tu es assise là, il y a des personnes qui sont en train de faire des imprécations pour détruire ta santé, pour détruire ton mariage, pour détruire... Donc le Saint-Esprit est très important. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et chaque fois que Josué avait la révélation, il allait attaquer ses ennemis par surprise. Donc nous allons attaquer 2018 avant que ça ne commence. L'expérience que j'ai faite, c'est que Quand vous entamez une année sans projet, sans prier pour l'année qui arrive, vous allez vous rendre compte que janvier va passer, vous n'allez rien faire. Même si tu es un enfant de Dieu. Février va passer, tu n'as rien réalisé. Mars, c'est parfois en juin que tu te réveilles. Tu dis, mais c'est comment que l'année est en train de finir, je n'ai encore rien fait. Parce que tu as entamé l'année sans la préparer. Sans la préparer. Et nous allons préparer l'année. Avant de préparer 2018, nous allons d'abord traiter avec 2017. Toutes les malédictions, tous les envoûtements, tous les sorts. Bien-aimé, je ne reviens pas sur la vidéo passée. Je vous ai dit de faire le bilan, de voir ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Tu écris ça et ce qui a marché. Maintenant, c'est pour ce qui a marché, voir comment il faut améliorer parce que ça va t'éviter la stagnation. Il ne faut pas que tu stagnes. Dis que peut-être j'ai réussi dans mes études cette année. L'année prochaine, il faut que tu ailles encore davantage, que tu travailles encore plus dur. Il faut que tu avances encore. Cette année, peut-être tu as réussi à économiser, à épargner un peu. L'année prochaine, il faut que tu investisses. Cette année, tu n'étais pas malade parce que tu as veillé sur ta santé. C'est très important. Bien-aimés, prenons soin de nos corps. Ne négligeons pas la santé parce que nous prions. Non. Si Dieu nous a donné le corps, c'est pour prendre soin du corps. Et le Seigneur a tout prévu. Nous devons faire, j'ai dit, quand je fais mes études, je dis aux femmes, aux hommes, chaque année, faites le check-up. Il faut que tu saches ce qui se passe dans ton corps. Une fois que tu sais maintenant, tu peux mieux prévenir la maladie. Parce que quand on va te découvrir, on va détecter une maladie en phase terminale. On va te pleurer. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui refusent de prendre les remèdes. Prenez les remèdes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent aujourd'hui parce que ils ont une foi, un jar et refusent de prendre les remèdes. Non. Donc tu dois tout prendre. Tu dois tout examiner, le bon et le mauvais côté. Mauvais, pourquoi ça n'a pas marché? Tu écris. Bon côté, qu'est-ce qui a marché? Il faut que j'améliore, il faut que j'avance. Tu écris également. Maintenant, il y a des forces qui ont agi dans ta vie cette année. Des forces négatives. Qu'est-ce que tu as remarqué autour de toi? Dans ta famille? Quels ont été les malheurs? Est-ce que beaucoup de gens sont mortes? Est-ce que beaucoup de gens ont perdu ceci, perdu le travail, perdu les enfants? Il y a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année. Alors tu dois commencer à détruire tout esprit qui s'est levé contre moi en cette année 2017. Tu dois détruire cet esprit-là. Là, l'esprit-là ne va pas traverser avec toi. Peut-être les esprits-là, ça t'attrape le pied comme ça, que tu ne vas pas me laisser. Comme Jacob avait attrapé pour son frère. Tu dis jamais, je dois entrer en 2018. Si en 2017 j'étais malade, en 2018 j'entre sans maladie. Si en 2017 j'étais rejeté, 2018 j'entre avec la grâce. Si en 2017 j'ai échoué, en 2018 j'entre avec la réussite. Commencez à détruire. Et je vous avais dit que pour prier, après avoir rendu grâce au Seigneur, après avoir adoré le Seigneur, après avoir demandé au Saint-Esprit de nous remplir, nous devons avoir détruit la sorcellerie familiale. Parce que chaque personne est née dans une famille. Et dans nos familles, nous n'étions pas là quand nos ancêtres avaient fait des alliances avec le diable. Personne d'entre nous n'était né. Mais nous sommes nés dedans. Il y a des personnes aujourd'hui qui payent des dettes spirituelles qu'elles n'avaient pas contractées. Aujourd'hui, tu n'es pas marié parce que un de tes ancêtres avait sacrifié les mariages de ses descendants au diable. Et maintenant, il y a un totem qui vous réclame. Tu vas voir que si une femme, pour que d'abord qu'une femme parte en mariage, c'est difficile. Mais si tu réussis même à partir en mariage, tu vas souffrir dans le foyer là. Tu vas souffrir. Ton mari va te rejeter. Il ne va même pas penser à toi. Il dit, tu vas souffrir. Parfois, tu vas accuser l'homme. Mais non, c'est dans ta famille que ça s'est passé. C'est dans ta famille que ça a commencé. C'est là que tu dois commencer le combat. Commencer à détruire les alliances. Tu dois dire au Seigneur que Seigneur, je n'étais pas là. Peut-être quand tu étais petite, on t'avait marié à un esprit. Et aujourd'hui, tu es la femme d'un esprit. Un mari est marié de nuit. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être d'une façon inconsciente. On t'avait marié à un esprit. Ils ont pris la dot parce qu'ils avaient vu ton étoile. Toi, tu n'étais pas là. Mais tu subis ça aujourd'hui. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision qu'en 2017, là, mari de nuit, là, tu vas rester. Moi, je vais traverser. parce que nous devons traverser pour aller en 2018. Et tu dois prendre la décision de laisser tout ce qui est mauvais. Nous avons déjà parlé du spirituel, laisser les mauvaises habitudes, laisser la méchanceté. Mais maintenant, tu dois laisser ce que toi, tu as remarqué qui est mauvais dans ta vie là. Tu dis non, moi, en 2017, si j'avais le rejet, ce rejet-là doit rester. Tous ces esprits de rejet-là, je vous condamne à rester en 2017. J'entre en 2018 sans rejet, sans malédiction, sans échec. J'entre en 2018 libéré, délivré. Si tu étais dans la pauvreté, dans la misère, bien-aimé, la pauvreté est d'abord spirituelle. Avant, je ne le croyais pas. Mais un jour, je faisais la délivrance. Et le Saint-Esprit a mis dans mon esprit de chasser les esprits de pauvreté. Et j'ai vu des manifestations terribles, des manifestations graves. Je voyais des gens qui, les mains tremblaient, d'autres personnes qui criaient. Je ne sors pas, esprit de pauvreté. Donc, la pauvreté, d'abord, elle est spirituelle. La pauvreté, elle est mentale. La pauvreté, elle est physique. Avant de se manifester physiquement, elle commence dans le spirituel. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui a de grandes entreprises, un grand chef d'entreprise, subitement, tout tombe? On a écouté des hommes et des femmes qui ont fait le satanisme. Il y a un moment, grâce à Néroman, qui nous disait qu'elle avait un monsieur dont elle avait pour mission de faire chuter les grands hommes. Donc, quand elle sortait avec un homme élevé dans la société, sa mission, c'était de te faire chuter. Et quand tu allais avec elle, toutes tes entreprises chutaient. Et le monsieur devient pauvre. Et quand le monsieur devient pauvre, elle t'abandonne. Donc, il y a des personnes comme ça, la pauvreté est d'abord spirituelle. Tu peux peut-être vendre, et puis une personne vient avec un billet d'argent empoisonné. Il a fini de faire des imprécations sur l'argent. Et il te remet cet argent. Toi qui n'es pas un enfant de Dieu. Ou bien même toi qui es un enfant de Dieu, qui a négligé, qui a éteint le Saint-Esprit. Puisque quand l'argent entre en contact avec la paume de ta main, ça entre en contact avec ton sang, ta salive, ta sueur, c'est ton sang. Et ça t'envoûte. Et tu vas te rendre compte, j'ai découvert beaucoup de personnes comme ça. Elle a la caisse. Elle me dit, maman, je ne vole pas l'argent. Mais je ne comprends pas comment à la fin de la journée, je ne comprends pas comment l'argent disparaît. On a déjà coupé mon salaire fatigué. Mon argent disparaît. Et je lui ai dit que c'est quelqu'un qui t'avait donné un billet d'argent. Et j'ai prié sur ses mains. J'ai aussi pris un billet d'argent, je lui ai donné. J'ai dit, je te remets ton argent au nom de Jésus. Et à la fin du mois, elle est revenue encore témoigner pour me dire que maman, je t'ai dit. Mais merci. Je ne sais plus comment. Maintenant, je ne paie plus d'argent. Donc, la pauvreté est spirituelle. Tu as salué combien de personnes cette année? Les gens qui ont pris, elles ont tendu la main. Beaucoup de personnes, avant d'arriver, elles sont mal intentionnées. Avant de sortir de leur maison, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Chacun connaît le Dieu qui sait. Il finit de prier, il prie, il se parfume, avec un parfum bizarre. Toute personne qu'il va rencontrer, qu'il va saluer, qu'elle va saluer, il récupère, il récupère, il récupère. Quand on était petit, on rencontrait souvent, quand on rentrait de l'école, l'argent que les gens jetaient sur les carrefours. Pourquoi avait des remèdes à côté? Quand tu n'as pas la sagesse, surtout les petits enfants qui rentrent de l'école, qui ont besoin d'acheter, je ne sais pas, surtout en Afrique, ici je ne sais pas, ici je n'ai jamais trouvé un billet d'argent ou bien une pièce d'argent par terre. En Afrique, dans les carrefours, on voyait l'argent. Et les petits enfants qui ont l'habitude de voler, parce que quand on n'éduque pas bien les enfants, quand tu éduques tes enfants que tu ne dois pas voler, tu protèges ton enfant. Je me souviens, quand j'étais petite, je vivais avec mon oumoni. Elle m'avait appris que tu ne dois pas manger chez les gens. L'affaire était restée dans ma tête. Un jour, elle m'a amenée chez un de mes oncles. Et la femme de mon oncle donne à manger. Je lui dis que non, tantine m'a dit de ne pas manger chez les gens. Je suis restée affamée jusqu'à 18h. Elle est venue. On lui dit, mais ta fille ne veut pas manger. Je lui dis, mais toi, tu m'avais dit de ne pas manger chez les gens. Parce que c'était dans ma tête. Apprenez à éduquer vos enfants. Apprenez à éduquer vos enfants. Un enfant ne doit pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Parce que le monde est tellement mauvais. Donc, les gens qui allaient chez les féticheurs, ils jettent les pièces d'argent par terre. Et maintenant, vous qui venez, parce qu'ils se sont lavés, on leur a dit, jetez l'argent, c'est la malchance, qu'elle va venir prendre ta malchance. Et maintenant, toi, tu vas venir ramasser une pièce comme ça. Tu vas venir ramasser un billet comme ça. Tu ne sais pas ce que tu as ramassé dans ta vie. Et c'est comme ça que tu seras pauvre toute ta vie. Tu vas mendier toute ta vie. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas que ta pauvreté, c'est ça. Ou bien tu as volé l'argent de quelqu'un. Tu as été malhonnête dans une affaire. Tu as volé même à l'église. Beaucoup aujourd'hui volent à l'église. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et c'est comme ça, la pauvreté est spirituelle. Quels sont les esprits qu'on a affectés dans ta vie en cette année? Ou bien tu n'as pas rendu ta dîme comme il faut. Parce que quand tu ne donnes pas la dîme, la dîme, ça t'appauvrit. Quels sont les esprits que tu as contractés cette année? L'année passée, tu t'es rendu compte que tu avais quand même des amis, ça allait bien. Mais en 2017, toutes tes relations se sont gâtées. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est entré cette année pour détruire tes relations. L'année passée, il y avait quand même dans le domaine de ta vie qui allait. Tu avais une vie de prière bien. Mais en 2017, une fatigue s'est saisie de toi. La paresse, tu n'arrivais plus à lire la Bible. Tu étais maintenant versé dans les commérages, versé dans la distraction. Tu ne regardais pas beaucoup la télé. Mais en 2017, tu as commencé à regarder la télé. Tu ne mangeais pas beaucoup. Tu as commencé à manger beaucoup. Tu ne buvais pas. Tu te retrouves en train de boire. Il y a des choses que tu ne faisais pas et que tu as commencé à faire en mal. Ça me dit qu'il y a un esprit qui est entré cette année pour te détruire. Peut-être le mal n'est pas encore grand. C'est une petite mauvaise habitude que tu es en train de manifester et tu as remarqué que non, je ne parlais pas comme ça. Pourquoi je réponds déjà mal aux gens? Avant, je répondais, j'étais poli, mais pourquoi je suis déjà comme ça? C'est un mauvais esprit. Ça veut dire que tu ne dois pas traverser avec cet esprit. Tu ne dois pas traverser. Tu dois traiter avec l'esprit là maintenant. Peut-être l'année passée, tu ne faisais pas les mauvais rêves. Ou bien en début d'année. Tu ne faisais pas les mauvais rêves. Tu dormais bien. Et puis maintenant, tu commences à avoir le sommeil troublé. Tu dors la nuit, tu vois les morts. Tu manges avec les morts. Pourquoi? Tu parles avec les morts. Des personnes décédées sont tes compagnons dans la nuit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cet esprit, tu dois laisser l'esprit là cette année. L'année passée, tu vivais dans la sanctification. Tu ne mentais pas. Mais tu te rends compte que tu as rencontré certaines personnes. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors cette année, tu as rencontré des mauvaises personnes. Il y a des gens comme ça. Tu vas gâter ta vie parce que en une année, tu vas rencontrer une personne qui va t'amener à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, ta vie est gâtée. Tu étais bien éduqué, même si tu ne connaissais pas Dieu. Tu étais bien éduqué. Tu avais la crainte de Dieu quand même à ton niveau, selon ce qu'on t'avait appris. Mais tu as rencontré une amie, une copine, une cousine, un cousin, un tonton, un camarade qui a commencé à t'entraîner à faire des mauvaises choses. Et tu as péché, c'est-à-dire que tu as fait une chose qui, tu ne sais pas que cette chose va compromettre ta vie, toute ta vie entière. Et depuis que tu marches avec cette personne, tu te rends compte que ça ne va pas. Tu commences à avoir un comportement bizarre. Et les gens se moquent de toi. Et toi-même, tu sens que ça ne va pas depuis que tu marches avec telle personne. C'est aujourd'hui que tu dois te défaire de toutes les mauvaises compagnies. Toutes les mauvaises compagnies. Tu dois demander au Seigneur de te défaire de ces mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as rencontré qui cette année? Tu as rencontré qui? Peut-être le diable a vu que le chemin sur lequel tu étais était bien. Tu étais assidu dans tes cours à l'école. Tu étais assidu et maintenant tu as rencontré un ami qui t'apprend à sécher les cours, à insulter les professeurs, à ne pas étudier tes leçons, à tricher. Dieu doit te délivrer de cette personne ce soir. Ça doit être nos sujets de prière. Tu as besoin de prier pour dire au Seigneur que je me suis rendu compte que depuis que je marche avec elle, peut-être tu es marié et dans ta petite famille, tu prenais soin de ta maison. Maintenant, tu as rencontré une amie qui, elle, peut-être elle est aussi mariée ou elle n'est pas mariée. À l'heure où toi, tu dois aller préparer chez toi, elle va t'entraîner dans des discussions inutiles. Elle va t'appeler au téléphone pendant 2 heures, te raconter des histoires inutiles. Et pendant les 2 heures-là, tu ne vas rien faire. Peut-être elle a fini de travailler. Et maintenant, dans ses heures de pause, elle t'appelle. Mon ami, c'est pour ça qu'en journée, souvent, c'est difficile de m'avoir au téléphone. Parce que je dois d'abord faire tout ce que j'ai à faire. Je suis une femme au foyer, je suis une mère, je suis femme pasteur, j'ai mes entreprises, je dois d'abord faire tout ce que j'ai à faire. Je ne vais pas passer 2 heures de temps en train de parler avec quelqu'un d'une utilité au téléphone. Maintenant, elle passe autant à t'appeler. J'avais une amie comme ça, il y a une certaine année. On passait même souvent 5 heures de temps au téléphone pour parler des bêtises, pour parler des gens. Oh, telle a fait ceci, telle a fait comme ça. Je vous avais parlé ça dans une vidéo. Telle est montée. Et quand je finis de causer avec cette personne en parlant 5 heures, mon âme, je sens comment mon corps est vide. Je sens comment mon âme est vide. Je dis, mais ça, c'est quelle qualité d'amitié même. On ne peut pas s'asseoir pour prier ou bien pour lire la Bible. Seulement pour parler des gens. Dès que la personne a commencé à m'appeler, je vois le numéro, je ne prends pas. Il y a des personnes comme ça pour te faire passer le temps, pour te faire passer de l'essentiel. En 2017, tu as rencontré quelle qualité de personne? Tu dois te séparer et prendre des décisions cette année parce que si tu arrives en 2018 avec les mêmes mauvaises habitudes, tu ne vas pas évoluer. Si tu es accompagné des personnes qui te font perdre le temps, pas des personnes qui te font avancer, pas des personnes avec qui quand tu as des grandes idées, tu as des grands projets, mais des personnes qui t'amènent toujours à parler mal des autres, à parler des péchés des autres, à parler des erreurs des autres, à parler des conneries des autres, ça ne t'avance en rien. Et tu vas voir que l'année va passer, les gens de qui tu parles, ils sont en train d'avancer, en train de réaliser leurs projets, en train d'être bénis, en train de faire leurs grandes choses. Mais toi, tu auras perdu ton temps avec des gens qui te perdent également le temps. Donc, on va prier. 2017, qu'est-ce qui a été mauvais, ça doit rester. Qu'est-ce qui a été mal, ça doit rester. Peut-être c'est la mort qui a frappé ta famille. Il y a une année, on avait perdu beaucoup de gens. Je crois que c'était en 2012 ou 2011. On avait perdu des gens, perdu. Et c'était des lâchetés incroyables. Quand le Seigneur m'a révélé ça, moi, dès qu'on me dit que quelqu'un est malade chez moi, non, laisse tomber. Je vais m'arrêter d'abord. Je dis au diable que Satan, les gens que tu avais pris, c'était la surprise. Ce signe, personne ne part. Peut-être le diable a frappé des gens de mort. Et tu ne sais pas si c'est ton tour. Si tu vois derrière les morts dans les rêves, ça veut dire que la mort te guette. Tu dois prier déjà pour chasser l'esprit de mort. Et la mort, avant qu'elle ne soit physique, elle commence par être spirituelle. Je l'avais expliqué quand je parlais de l'esprit de mort. En cette fin d'année, tu dois chasser tout esprit de mort. Les esprits d'accident. Les esprits de maladie. Tu dois chasser cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 1, le verset 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu as passé le temps en compagnie des moqueurs cette année? Les moqueurs, surtout sur Facebook, c'est alors grave. Il y a des personnes qui passent toute leur journée seulement à venir insulter les gens sur Facebook. Mon ami, les gens que tu insultes là, et ils avancent. Les gens que tu critiques là, et ils sont en train de faire autre chose. Mais toi, tu peux rester une journée en train d'insulter. Tu vas venir sur une vidéo comme ça si tu commences à insulter. Tu ne sais pas qu'après, quand tu vas quitter là, une voiture va te coller, tu vas mourir en route, directement en enfer. Pourtant, Dieu t'a amené sur une vidéo qu'un homme de Dieu est en train de parler parce qu'il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Et beaucoup sont comme ça. Quittons la distraction en cette fin d'année. Quittons la distraction. Nous avons besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons besoin de réaliser beaucoup de choses. Si tu veux que 2018 soit une année gagnée pour toi, quitte la distraction. Abandonne les gens qui te perdent le temps. Concentre-toi sur ta vie. D'abord ton éternité. Après maintenant ta vie sur terre. Concentre-toi dessus. Nous allons prier, bien-aimés. Je vous ai dit que ce soir, c'est une soirée de prière. Dieu dit que tout ce qu'on demande à la prière, tout ce qu'on demande en priant, il a dit ça dans le livre de Jean. Il nous accorde cela. Donc nous devons prier. Avant, d'abord, demander les choses à Dieu, comme j'avais enseigné dans une vidéo de la prière, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'année. Dire merci à Dieu pour tout, tous ces mois. dis merci à Dieu parce qu'il permet que nous soyons encore debout. Je veux que tu pries également là où tu te trouves. Je vais prier, toi aussi tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait un concours. Ce n'est pas parce que j'ai bien parlé ou je suis trop intelligente, mais c'est parce que tu veux sauver mon âme. Lève tes mains là où tu es, commence à dire ça au Seigneur. Seigneur, merci. Si je suis debout aujourd'hui, ça fait le 11e mois de l'année que j'ai traversé. Parce que dans quelques minutes, nous sommes en décembre. Nous sommes même déjà en décembre parce que la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Donc nous sommes déjà en décembre. Seigneur, c'est une victoire, c'est une bénédiction. Beaucoup ont commencé novembre avec nous, ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Depuis janvier, qu'est-ce qu'il t'a fait comme bien? Ne regarde pas les souffrances que tu as eues. Il y en a qui ont la maladie que tu as là. Mais ils sont morts, toi tu vis. Il y en a qui ont des problèmes plus que toi-même. Ils sont morts, tu vis. Il y en a qui ont des soucis, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes graves. Coûte une maladie comme ça, deux jours, quelqu'un meurt. Regarde une fille qui meurt. Quand elle quittait, tu disais, si elle était malade, elle n'allait pas venir à la fête. Elle n'était pas malade. Elle est venue, elle était en train de danser. Elle dansait. Moi, je me suis dit, peut-être elle a glissé avec sa talon. Et elle a couru la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la fille est morte. Comme ça, comme les blagues. On a commencé à montrer la photo sur Facebook. Ça passe, ça balade, ça balade. Une belle fille. Est-ce qu'elle avait prévu qu'elle devait mourir? Toi, aujourd'hui, tu es monté, tu as pris les transports, tu as pris les taxis, tu es monté dans les trains, dans les bus, dans le froid, aujourd'hui, même il neige ici. Tu as marché, il y en a qui ont marché dans la neige, ils ont glissé, ils ont cassé les pieds, ils sont morts. Mais toi, tu as envie. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Tes enfants vont à l'école, ils rentrent. Dis merci à Dieu. Le Seigneur te nourrit tous les jours. Tous les jours, tu entends la parole de Dieu. Tous les jours, tu as encore la possibilité de te repentir. Dis merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Depuis le début de l'année, tu as été avec moi. Tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mon mari, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes enfants spirituels. Tu as protégé tout ce que tu nous as donné. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta bénédiction, pour ton amour. Tous les jours, tu m'as permis de me repentir. Seigneur, chaque fois que je me suis égarée de toi, tu m'as ramené par ton Saint-Esprit. Et tu m'as dit, là, ce que tu fais n'est pas bien. Il y en a qui sont déjà même endurcis. Et ils n'ont même plus la possibilité de se repentir. Mais toi, le Seigneur, te permet encore d'avoir encore cette chair de poule. D'avoir encore cette conscience qui te parle. Que arrête de faire ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est une bénédiction, c'est une occasion de dire à Dieu merci pour toutes choses. Bien-aimé, tu es dans une maison, il y en a qui dorment dehors. Ils dorment dehors, même ici en Europe. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que mais les gens pensent que il n'y a pas les pauvres en Europe, il n'y a pas les pauvres en Amérique. Il y a les pauvres. Ici, les pauvres, alors même, sont terribles. Vous les voyez dehors en hiver. Comment ils font? Il y a les pauvres partout, mais toi, tu es dans une maison. Tu ne dors pas dehors. Tu as mangé au moins une fois par jour. Il y en a qui n'ont même pas mangé. Elle dit que ça fait deux jours. Elle n'a même pas senti l'odeur de la nourriture. Dis merci au Seigneur. Apprends à dire merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Pour l'école d'Esther. Depuis que nous avons commencé, tu es fidèle. Tu bénis les vies, tu délivres les vies, tu restaures les vies. Tu guéris les âmes, tu guéris. Seigneur, sois béni. Sois béni du haut des cieux. Parce que beaucoup sont sauvés. Il y a une dame qui m'avait dit dimanche, quand j'étais à l'église du passé, elle me dit, maman Dédé, j'avais cru. Donc, elle était avec une de ses sœurs qui l'avait évangélisée. Et elle était venue, elle est repartie. Maintenant, elle s'est encore, elle avait rétrogradé. Et sa sœur ne savait plus comment l'évangéliser à nouveau. Et là, sa sœur lui avait envoyé une vidéo de l'école d'Esther. Elle me dit, maman, tu étais en train de parler de ma vie. Et c'est à cause de cette vidéo que je suis revenue au Seigneur. Je me suis repentie. Cette fois-ci, je comprends. Je ne peux plus me détourner de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il t'a encore permis de te repentir. Il y en a qui ne peuvent même plus demander pardon à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que au travers de cette école, tu as sauvé les vies. Tu as restauré, tu as restauré, tu as restauré. Merci pour les membres de ma famille qui sont en vie. Je suis ici, je n'ai pas entendu une mauvaise nouvelle. Seigneur, c'est une bénédiction. Mon téléphone n'a pas sonné cette année pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Mon téléphone n'a pas sonné ou mon cœur a battu. Seigneur, merci. Ceux qui sont tombés, tu les as relevés. Ceux qui étaient malades, tu les as guéris. Seigneur, j'étais même malade dans cette année, mais tu m'as relevé. Bien-aimé, tu es tombé malade cette année, le Seigneur t'a guéri. Dis merci. Il y en a qui sont partis à l'hôpital, ils ne sont plus jamais rentrés. Il y en a qui sont tombés malades ou bien qui se sont couchés, ne se sont pas réveillés. Nous te disons merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit merci à Dieu. Bien-aimé, tu as déjà dit merci à Dieu. Maintenant, nous allons passer à la phase de demander pardon au Seigneur. Il y a des péchés même que tu as oubliés. En cette année, tu as évangélisé combien de personnes? Combien de personnes? Tu as parlé de Christ à combien de personnes? Tu as envoyé une vidéo évangélique à combien de personnes? Tu as écouté un homme de Dieu qui a prêché un message du salut, un message de repentance, un message bien. Pas seulement des prophéties, des délivrances. Les prophéties des vents sont bien. Moi-même, je prophétise et délivre. Moi-même, j'aime quand on prophétise sur moi, quand on me dit, j'aime ça. Mais l'essentiel, c'est le ciel. 1 Corinthiens 13 nous dit que les prophéties prendront fin. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église pour qu'on prophétise sur eux. Quand on finit de prophétiser, ils rentrent à la maison. L'enfer est pire que les problèmes que tu as sur la terre. L'enfer est compliqué. Donc, demande pardon à Dieu que Seigneur, j'ai marché avec des personnes. Tu as des voisins qui ne connaissent pas que l'enfer existe et qu'ils doivent recevoir Jésus. C'est un péché très grave. Tu vis dans une maison et ton chauffeur, ton voisin, ton frère avec qui tu dors sur le même lit vit n'importe comment et ça ne te dit rien. Tu ne sensibilises pas. Dans ta famille, tes frères, tes soeurs, tes cousins vivent n'importe comment, même si tu ne peux pas leur prêcher l'évangile. Envoie-leur les vidéos des hommes de Dieu. Ils vont écouter, les gens partagent des vidéos d'inutilité, des bêtises qui ne vont sauver personne, des messages inutiles. Envoie ce message à 10 personnes pour montrer que tu aimes la personne. Ça sert à quoi tout ça? Ce sont des bêtises. On est à l'heure où les âmes doivent être sauvées. Aujourd'hui, je faisais une prière. Le Seigneur m'a amené à faire une prière. Et je priais pour tout le monde, même pour mes ennemis. Je disais, Seigneur, ceux-là disent que moi, je suis leur ennemi, ou bien eux, ils sont mes ennemis. Moi, je prie pour le salut de leurs âmes parce que je suis une femme spirituelle. Satan ne va pas gagner leurs âmes. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas souhaiter qu'une personne aille en enfer. Ça, c'est le diable qui souhaite que les gens aillent en enfer. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour sauver les âmes. Oui, intercède pour les membres de ta famille. Demande au Seigneur de les toucher. Ceux qui vivent encore dans l'incrédulité. Tu ne peux pas parler parce que tu as honte ou bien sont tes aînés. Envoie des vidéos. Le Saint-Esprit fera son travail. Le Saint-Esprit va faire son travail. Bien-aimé, l'heure est grave. Demande pardon à Dieu parce que tes collègues de service. Ici en Europe, on dit qu'on ne prêche pas. Mon ami, si tu t'envoies une vidéo dans ton WhatsApp, est-ce que tu étais prêché au lieu de service? Quand tu vas aller suivre ta vidéo, moi quoi dedans? Est-ce que j'ai parlé? Je t'ai envoyé la vidéo dans ton WhatsApp, dans ton Messenger. Je t'ai envoyé la vidéo. Demande pardon à Dieu parce que les gens sont partis en enfer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui était malade un jour et le Seigneur m'a dit de prier pour la personne. Je me suis repenti de ça il y a quelques jours. Et j'ai dit au Seigneur que non. La personne doit se repentir, elle, mais moi ne prie pas pour elle. Et la personne est décédée. Et quand la personne est décédée, le Seigneur me dit, je t'avais dit de prier, tu as refusé. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, le Seigneur m'a donc montré que pour te racheter, voilà toutes les personnes qui t'ont fait du mal là. Commence à prier qu'elles se répandent. Mon ami, je ne prie même pas pour moi, je prie. Seigneur, pardon, touche le cœur de l'autre. Qu'elles se répandent, qu'elles reviennent à toi. Pardonne, Seigneur, parce que c'est le travail que le Seigneur nous a envoyé faire sur la terre. C'est inadmissible que nous marchions avec des gens qui vont joyeusement en enfer. C'est inadmissible. Demande pardon au Seigneur. En 2017, tu as évangélisé combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes? Tu leur as parlé de Jésus. À qui? Dans ta famille, quand tu arrives, tu caches la Bible. Quand tu es avec tes copines, tu fais semblant, tu as honte. On va se moquer de toi. On se moque de toi et puis quoi? Elles sont qui? Ils sont qui pour se moquer de toi? Toi, tu as la vie, tu dois transmettre la vie. Nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur, chaque fois que nous n'avons pas prié pour qu'une âme se répande, chaque fois que nous n'avons pas prié pour les membres de nos familles, chaque fois que nous n'avons pas prié pour nos voisins, chaque fois que nous n'avons pas prié même pour nos frères en Christ. Il y a des frères en Christ, tu vois que le frère s'est en train de mener une mauvaise vie. Au lieu d'aller bavarder, bien aimé, c'est ça la maturité spirituelle. Avant moi-même, j'étais comme ça. J'aimais parler des gens qui faisaient le qui péchaient tout ça. Maintenant, je ne parle plus. Je prie pour les personnes parce que le Seigneur a réveillé mon esprit. Parce que je sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Je prie, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Chaque fois que je n'ai pas prié pour une personne qui ne te connaissait pas, chaque fois que je n'ai pas prié pour une personne, un voisin, une voisine, Seigneur, je te demande pardon. En cette année, j'ai manqué, Seigneur, mon Dieu, à faire mon œuvre. J'ai manqué, Seigneur, à faire du bien aux gens. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as manqué de faire. Le Seigneur m'a réveillé mon esprit sur quelque chose. Il m'a demandé en 2017, tu as fait du bien à combien de personnes? Bien aimé, parce que les années précédentes, j'ai fait trop de bien aux gens. Et je n'ai récolté que la monnaie du singe. Et en 2017, je me suis résignée. J'ai dit à Dieu qu'un, pour que j'aide quelqu'un, mon cœur était fermé comme ça. Et le Seigneur m'a dit, non, toi tu es condamné à faire le bien aux gens. Même si on ne te rend pas le bien, là, toi fais le bien. Et je me suis répandue, dit, et c'est vrai, en 2017, de toutes les années que j'ai vécues, en 2017, je n'ai pas fait beaucoup de bien aux gens. J'ai beaucoup semé à l'église, oui, mais je n'ai pas beaucoup aidé les gens parce que mon cœur était fermé. Et je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux plus. Les gens sont trop ingrats, les gens sont malhonnêtes. Les gens que j'ai élevés, j'ai fait, mais ils sont ingrats. Maintenant, avec les gens, j'étais réticente comme ça en 2017. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas bien. Fais du bien aux gens. Et je me suis repentie, je me répands encore. Je dis, Seigneur, l'année qui arrive-ci, aide-moi à faire plus de bien aux gens. Plus de bien, plus de bien, plus de bien. Je te demande, je ne sais pas pourquoi, quel est ton cas? Demande pardon au Seigneur. Qu'est-ce que tu faisais bien avant et tu as diminué ça en cette année? Parce que tu avais été blessé, tu avais été choqué, tu avais été humilié. Hein? La Bible dit que celui qui se relâche dans son activité est frère de celui qui détruit. Si tu étais habile, Seigneur, tu utilisais dans ta famille à réconcilier les gens, à être utile, à être serviable. Et tu t'es rendu compte que quand tu étais comme ça, les gens te méprisaient, tu arrêtes. Non, tu ne fais pas ça pour que les gens t'apprécient. Tu fais ça pour que Dieu te bénisse. Alors nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur, tout le bien que nous avons pu faire, que nous n'avons pas fait cette année, nous prions que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Tu as demandé maintenant pardon à Dieu. Tu vas demander que le sang de Jésus te lave. Tu vas continuer cette prière. Et si nous donnons seulement les points. Que le sang de Jésus lave ton âme. Que le sang de Jésus lave ton esprit. Que le sang de Jésus lave ton cœur de toute forme de méchanceté. Que le Saint-Esprit lave, le sang de Jésus te lave. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est le sang de la délivrance. Le sang de la restauration. Lave ton âme dans le sang de Jésus. Lave ton esprit. Tout péché que tu as commis cette année et que tu as oublié de te repentir. Tout péché que tu continues à commettre, que tu n'as pas la force de te repentir, d'abandonner. Demande pardon à Dieu et que le Saint-Esprit, le sang de Jésus te lave. Invoque le sang de Jésus sur toi, dans ton âme, ton esprit, ta zone de tension, sur tes enfants, sur ton mari, si tu es marié, sur ta femme, que le sang de Jésus purifie ton cœur, le sang de Jésus guérit les blessures dans ton cœur, le sang de Jésus guérit les blessures dans ton âme, les mauvaises pensées, les mauvais souvenirs, que le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui chasse l'esprit de mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons maintenant invoqué le sang de Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre guerrier. Le Saint-Esprit qui est notre espion, comme je disais tout à l'heure. Qui a la capacité de nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit qui nous donne la direction. Le Saint-Esprit qui nous scelle. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Quand Jésus reviendra sur la terre. Quand on dit que 666, 777, le chiffre de Dieu là. Le 777 de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu là, qui est le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, ils ne verront jamais Dieu. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. En toutes choses, en pensée, que tes pensées soient saturées du Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous implorons la grâce, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous inonde, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Que le Saint-Esprit soit le Seigneur de nos pensées, le Seigneur de nos esprits, le Seigneur de nos émotions, de nos envies, le Seigneur de toutes choses. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit là où tu es. Invoque le Saint-Esprit dans ta maison. Invoque le Saint-Esprit dans ta famille. Invoque le Saint-Esprit dans tes entreprises. Invoque le Saint-Esprit même dans ton église où tu pries. Que le Saint-Esprit revienne. Réveillez les gens qui sont déjà refroidis. Que le Saint-Esprit descende dans ta famille pour toucher les cœurs incrédules. J'envoie le Saint-Esprit dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle. Dans ma famille, au nom de Jésus, dans ma belle famille maternelle, paternelle. Que le Saint-Esprit convainc les hommes et les femmes du péché. Que le Saint-Esprit touche mes enfants. Que le Saint-Esprit touche mon mari. Que le Saint-Esprit touche mes voisins. Touche mes collègues de service. Que le Saint-Esprit touche tous mes enfants spirituels. Que le Saint-Esprit touche tous les hommes de Dieu que je connais. Que le Saint-Esprit les ramène, les convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Que le Saint-Esprit les ramène là où ils se sont égarés. Au nom puissant du Seigneur Jésus, invoque le Saint-Esprit sur les personnes que tu connais, les personnes, même tes ennemis invoquent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut les ramener. Au nom de Jésus, si le Saint-Esprit a déjà quitté quelqu'un dans ton église, prie pour ton père spirituel, prie pour ta mère spirituelle, prie pour tes frères en Christ, invoque le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les touche là où se trouve. J'envoie le Saint-Esprit dans ta maison, que le Saint-Esprit libère ton âme, libère ton cœur, libère ta zone de tension, renverse les raisonnements, les esprits d'incrédulité, les raisonnements d'incrédulité, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit donne la force d'abandonner le péché, que le Saint-Esprit inonde ta vie, le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit sur tes enfants bien-aimés. J'ai écouté une vidéo, on nous dit que même les enfants vont en enfer. Un enfant qui connaît déjà discerner le bien du mal, il meurt là, il va en enfer. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de prendre au contrôle sur toute personne, sur toute créature. Invoque le Saint-Esprit dans ton pays, sur les autorités de ton pays, dans ta famille, sur tes parents. Le Saint-Esprit dans ta famille, ton chef de famille. Le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en cette fin d'année, tu vas demander au Seigneur un cœur nouveau. Avant de combattre les démons et tout ça, là, on commence par là. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur selon toi. Donne-moi d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimé, en cette fin d'année, commence à faire cette expérience. Il y a des moments où tu te retrouves dans des situations difficiles. Tu ne sais quelle décision prendre. Tu ne sais quel chemin choisir. Tu es là, tu ne sais pas, on t'a offensé, il faut que tu fasses, tu ne sais pas comment agir. Demande seulement au Seigneur. Seigneur, si tu étais à ma place, comment toi tu aurais réagi? Mets en moi les sentiments que toi tu aurais eu. Si le Seigneur ne peut pas te parler, ou bien dans sa parole, dis que Seigneur, si tu étais à ma place, parce que parfois nous agissons par rapport aux sentiments que nous avons dans nos cœurs. Quand tu es attristé, c'est ça que tu montres. Quand tu es dans la joie, tu montres également. Tu dis au Seigneur, mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments que toi tu aurais eu si tu étais à ma place. Si toi tu travaillais dans cette entreprise. Si toi tu étais la femme de ce monsieur. Si toi tu étais le mari de cette femme. Si tu étais le père de ses enfants. Si tu étais le père spirituel. Si tu étais le pasteur de cette église. Seigneur Jésus, comment tu te serais comporté? Alors remplis-moi de ces sentiments. Tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Tu connais quels sont tes challenges. Tu connais quels sont tes problèmes. Tu connais les situations dans lesquelles tu passes. Ton entourage. Demande au Saint-Esprit de te donner un cœur nouveau. Et de te diriger. Comment est-ce que tu dois te comporter par rapport à ces personnes? Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous venons maintenant te présenter nos cœurs. Tu as dit dans Ézéchiel, je crois, le verset 36, le verset 27, je vous donnerai un cœur nouveau. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Transforme maintenant mon cœur de pierre en cœur de chair en cette fin d'année. Je ne dois pas arriver en 2018 avec un cœur de pierre, un cœur rebelle, un cœur méchant. Transforme mon cœur et que mon cœur soit selon ton cœur. Que je sois la femme selon ton cœur, Seigneur. Que je sois la servante selon ton cœur. Que je sois l'homme selon ton cœur. Que je sois la fille selon ton cœur. Que je sois le fils selon ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon cœur. Détruis toute idole dans mon cœur. Détruis toute idole dans mon cœur. Détruis tout péché dans mon cœur. Mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Afin que quand je suis face à une situation, que j'agisse comme Jésus aurait dû agir quand si c'était lui à la place. Donne-moi d'agir comme Jésus, de parler comme Jésus. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait dit? Si Jésus était dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Dans le nom de Jésus-Christ, en cette fin d'année, je dois faire de prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Il y a des personnes qui sont dans des familles avec des gens difficiles. Vraiment, tu vis avec des personnes difficiles. Et à un moment, tu as envie de prendre une décision pour tout gâter. Tu es dans un foyer difficile. Tu es dans une entreprise difficile. Et là, tu ne veux plus. Tu veux tout arrêter pour faire autre chose. Tu veux tout arrêter vraiment. Arrête-toi, tu dis au Seigneur Jésus, si tu étais à ma place, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Parce que parfois la colère, parfois la pression nous amène à prendre des décisions qui vont détruire toutes nos vies. Et c'est ce que le diable fait. Il te met sous pression. Il te met sous pression et du coup tu prends une décision qui va bouleverser encore toute ta vie. Dans la colère, c'est pour ça qu'il disait, l'apôtre Paul disait que même si tu te mets en colère, je crois que c'est l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, ne vous mettez pas en colère, mais même si vous vous mettez en colère, que le Seigneur, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que toute décision qu'on prend dans la colère, c'est une décision qui vient seulement pour tout gâter. Demande au Saint-Esprit de te revêtir de ses esprits en cette fin d'année et tu vas prendre de bonnes décisions. Et tu sauras gérer des personnes difficiles. Et tu vas t'en sortir des situations difficiles. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Peut-être tu es dans une famille, une belle famille compliquée où tout le monde te critique, où on ne veut plus entendre parler de toi. Et tu as pris la décision de mettre tout le monde dehors, la belle-mère, les beaux-frères, tout le monde. Mais demande au Seigneur que Seigneur, si tu étais en mariage dans cette famille, comment toi tu allais te comporter? Dis-moi. Si tu étais dans ce pays, peut-être tu es dans un pays où on te maltraite, où on veut te tuer. Et tu demandes au Seigneur, si tu étais à ma place, tu allais faire comment? Et le Saint-Esprit va te diriger et tu ne vas pas pécher. Alléluia. Nous avons maintenant fini avec le spirituel. Tu peux également prier que le Seigneur, en cette fin d'année, te remplisse des dons du Saint-Esprit, te remplisse des fruits du Saint-Esprit. Demandons cela au Seigneur. Seigneur, remplis-moi du don des dons du Saint-Esprit, des fruits du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, du feu du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, aucun sorcier ne peut t'envoûter. J'ai dit aucun. Aucun. Ils vont t'appeler sorcier, ils vont t'appeler sorcière, parce qu'ils ne pourront pas t'envoûter. Vous n'avez jamais remarqué que dans une famille, quand tu reçois le Seigneur, on commence à dire que tu es dans des sectes, tu es sorcier, tu es sorcière, c'est parce qu'ils ne peuvent plus t'envoûter. Pourtant, quand tu n'avais pas encore reçu Jésus, ils te manipulaient, ils faisaient de toi ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, quand tu reçois Jésus, on te dit que tu es dans une secte. Tu es sorcier, tu es sorcière. Amen. Maintenant, on va prendre autorité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des esprits qui sont entrés dans ta vie, des mauvais esprits, pour bloquer ta vie cette année. Il y a des bénédictions que tu devais recevoir et que tu n'as pas encore reçues. 2017 n'est pas encore fini. Tu dois encore recevoir cette percée. On avait prophétisé sur toi que tu devais te marier. On avait prophétisé sur toi que tu devais guérir. On avait prophétisé beaucoup de choses sur toi. On avait déclaré beaucoup de choses sur toi. C'est le moment maintenant de te lever contre tout esprit qui s'est opposé à ta bénédiction en cette année. Tout esprit d'opposition à ta bénédiction cette année. Tout esprit d'opposition commence à détruire. Tout esprit d'opposition à ton avancement. Tout esprit d'opposition à tes relations. Tout esprit d'opposition à ta vie. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui s'est opposé à toi, provenant de la famille de ton père, de ta mère, envoie le feu. Je me lève maintenant contre tout esprit venant de la famille de mon père, du village de mon père, de la famille de ma mère, du village de ma mère, de ma belle famille des deux côtés, ces esprits qui se sont levés contre moi pour bloquer ma vie en cette année, pour freiner ma bénédiction, pour détruire ma joie, pour détruire mon bonheur. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire ces esprits. Je prends autorité maintenant. Je renverse leur puissance. J'anéantis leur programme. J'anéantis leur projet. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Je suis en train de prier pour moi. Toi également, prie au nom de Jésus. Tous ces esprits envoient le feu dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient tous renversés. Les esprits d'opposition au mariage, les esprits de souffrance imposés dans les foyers, les esprits de stérilité, la mort précoce, tous les totems de la famille de mon père, j'envoie le feu au nom de Jésus. Les totems de la famille de ma mère, j'envoie le feu au nom de Jésus. qui se sont levés contre ma vie, les totems de la famille de mon mari, belle famille maternelle, paternelle, le feu du Saint-Esprit détruit vos imprécations, détruit vos envoûtements, vos regroupements, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les alliances provenant de ces familles, c'est déjà détruit, vous n'allez pas m'empêcher d'achever cette année, vous n'allez pas me suivre en 2018, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les maris de nuit, les femmes de nuit, les oppressions, la sorcellerie familiale, j'entre en 2018 dans la délivrance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dois accomplir ce que Dieu a dit que je vais accomplir, dans le nom de Jésus, tous ces esprits qui se sont élevés contre mon ministère, qui se sont élevés contre mes relations, qui ont éloigné les bonnes personnes de moi, j'invoque le feu sur vous maintenant, j'invoque le feu sur vous maintenant, dans mon entourage, au nom de Jésus, dans mon quartier, tous ces esprits qui se sont levés, ces ennemis, que je ne connais même pas. Bien-aimé, tu as les ennemis que tu ne connais pas. Tu as les ennemis que tu connais. Il y a des gens qui te détestent pour rien. La preuve, c'est que tu peux être sur ta page en train de faire ta vidéo, quelqu'un vient t'insulter, tu ne la connais même pas. Tu ne connais pas la personne, vous n'avez aucun problème, elle t'insulte quand même. Le feu sur toutes ces personnes, au nom de Jésus, tous ces potentiels ennemis, les ennemis qui sont cachés, que je ne connais même pas, qui sont en train de méditer le mal. Au nom de Jésus, tous vos programmes sont nuls et sans effet. Je détruis vos programmes contre ma vie. Les calomnies, la médisance, tout ce que vous pouvez faire contre ma vie, contre mon bonheur, contre ma destinée, contre mon ministère. Je détruis cela au nom de Jésus. Les imprécations, les sorts lancés, les sacrifices même que vous pouvez faire, les prières même que vous pouvez élever. Il y a des enfants de Dieu même qui sont des sorciers. Ils prient contre les autres. Toute prière qu'on a élevée contre ma vie, je rends cela nul et sans effet au nom de Jésus. Toute prière, tout sacrifice, tout jeûne que quelqu'un a fait contre moi. Il y a des personnes qui jeûnent parce qu'ils veulent te voir souffrir. Je détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela. Je ne dois pas traverser cette année avec une petite imprécation, avec une douleur, toute douleur dans mon corps. Je dois entrer en 2018 en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois entrer en 2018 en parfaite santé, avec toutes mes bénédictions. Si quelqu'un, ma bénédiction est encore retenue captive quelque part, je libère ma bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois détruire tous ces esprits. Continue, quand on va finir, même quand on va finir, tu restes toute la nuit, tu pries. Parce qu'on va entrer en décembre dans quelques minutes. Et en décembre, maintenant, tu dois prier pour l'année 2018. Pour la préparer, que ce soit une année bien. Mais nous devons finir avec 2017. Tout ce qui était négatif, ça doit rester. Les mauvaises compagnies, je me sépare de toute mauvaise compagnie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mauvais conseillers, au nom de Jésus-Christ, je me sépare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me sépare de toute personne envoyée depuis le monde des ténèbres pour me dévier de la voie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, tu as déjà détruit. Bien-aimé, tu dois récupérer tout ce qu'on t'a volé en 2017. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. On t'a volé ta joie. On t'a volé ta bonne humeur. On t'a volé ta paix. On t'a volé quoi? Tu n'entres pas en 2018 sans ce qu'on t'a volé. Tu récupères. Tu dois arracher. N'attends pas que le diable va te donner. Il ne va jamais te donner. Tu dois arracher. Peut-être ta liberté même. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Commence à récupérer. Récupère toutes les bénédictions, tes bénédictions de 2017. Moi, je récupère toutes mes bénédictions de janvier. Je récupère mes bénédictions de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, même de décembre. Je récupère partout là où c'est captif. Je récupère. Tout ce que Dieu avait prévu que je dois avoir cette année, je récupère cela au nom de Jésus. Je ne vais pas entrer en 2018 sans une bénédiction que Dieu avait prévu me donner. Ou bien Dieu sait déjà qu'il m'a déjà exaucé. Et ça tarde encore à venir. Je déclare dans le nom de Jésus qu'avant la fin de cette année, je verrai toutes les choses que j'ai demandé à Dieu s'accomplir. Au nom de Jésus, tout esprit qui s'oppose encore à ma bénédiction, lâche prise maintenant. Je récupère. Je récupère mon étoile. Je récupère mon ministère. Je récupère. Bien-aimé, récupère. Tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce qu'ils veulent rester avec, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, récupère par la puissance du Saint-Esprit. Entre dans le camp de l'ennemi. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Et récupère maintenant. Récupère. Je récupère ma santé. Je récupère mes relations. Je récupère ma percée. Je récupère mes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu as récupéré. Tu dois continuer à faire ce travail. Récupère. Qu'est-ce qu'on t'a volé cette année? Tu dois récupérer. Je ne traverse pas. Quand les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, Dieu a dit quoi à Moïse? Dieu a dit à Moïse que dit aux enfants d'Israël de demander à leurs voisines des biens. Les enfants d'Israël sont quittés de l'Égypte bénis. Tous les sacrifices qu'ils faisaient au désert, ils avaient pris ça où? Ils avaient pris ça en Égypte. Alors tu dois traverser avec toutes tes bénédictions. Si c'est un voisin qui est en comptable, il doit te remettre ça. Dieu avait donné l'ordre à quelqu'un de venir te bénir. La personne traîne encore. Non! Dieu doit toucher le cœur de cette personne. Elle doit venir te bénir. Tu ne dois pas entrer en 2018 sans ce contrat. Quelqu'un t'a fait une promesse. Sa promesse, elle doit s'accomplir en 2017-ci. Avant d'entrer en 2018. Au nom de Jésus, je récupère toutes les bonnes paroles, les paroles prophétiques que j'avais reçues depuis et qui devaient s'accomplir en 2017. Dieu avait écrit au ciel que ça devait s'accomplir en 2017, ça doit s'accomplir avant que je n'entre en 2018. Au nom de Jésus, dans mon foyer, dans mes entreprises, ça doit s'accomplir dans mon ministère, ça doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. 2017 ne doit pas rester ou bien passer, je ne sais pas là où ça va, avec quelque chose qui t'appartient. Maintenant, tu dois t'élever. Et tu dois dire que tout esprit de mort qu'on a envoyé contre toi, parce que je vous ai dit, la fin d'année, le diable est en train de préparer des victimes. Je ne serai pas une victime dans 2017. On ne va pas manger mon sang, on ne va pas boire mon sang. On ne va pas manger ma chair, on ne va pas boire mon sang. Et on ne va manger personne dans ma famille. Je dis personne. Je dis personne, personne. Tu dois te lever et dire ça. Ça va faire que ta prière va sauver une personne, même qui ne croit pas encore en Dieu. On aura sacrifié quelqu'un dans ta famille par cause de ta prière. Tu auras dit à Dieu que Seigneur, je récupère les âmes de ma famille qu'on a déjà captivées dans la sorcellerie. Je les récupère. Leur cœur que Satan veut détourner, je les récupère, je les amène à Christ. Tu dois commencer à les récupérer comme ça. Dans le nom de Jésus, les âmes de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ta famille, oh, personne ne va mourir. Parce que s'ils meurent maintenant, ils n'ont pas encore Christ, ils vont aller en enfer. Ils ne doivent pas mourir. Dieu doit leur donner le temps de se repentir. Mais il faut que tu pries pour cela. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aucune personne. La mort, c'est chez mes ennemis. La mort, c'est ceux qui te refusent. Je dis, personne ne mourra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je réclame leurs âmes, je récupère leurs esprits, leurs âmes, que je trempe dans le sang de Jésus. Personne ne mourra d'une mort précoce, personne ne mourra d'une mort subite, personne ne mourra de maladie, personne ne mourra d'accident, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. On va tous entrer en 2018. Seigneur, ils auront le temps de se repentir, le temps d'écouter ta parole, le temps d'abandonner leur mauvaise voie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, en cette fin d'année, pas de pleurs, en cette fin d'année, pas de lamentations, en cette fin d'année, pas de soucis, en cette fin d'année, pas de malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas de malheur, pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas de problème. Au nom de Jésus, c'est ce que tu déclares qui va t'arriver. Par la puissance du Saint-Esprit, commence à déclarer que l'année, tu vas finir en beauté. Tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Tu n'auras pas commencé à t'appeler tel et moi, il faut aller cotiser là-bas. Alors que l'argent que tu avais, tu pouvais faire quelque chose, tu pouvais te faire du bien. Mais tu dois prier. Parce que si le diable ne peut pas t'atteindre, il va attendre quelqu'un loin et on va te dire il faut cotiser. Tel est malade, on doit l'opérer. Il faut que tu donnes l'argent. Tu ne vas pas laisser quelqu'un mourir, tu vas donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas de mauvaises nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais déjà peut-être ton argent pour te réaliser un projet. Quelqu'un va tomber malade ou bien accident ou bien mort. Et toi, tu auras les problèmes. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Je trempe toutes ces personnes dans le sang de Jésus. Elles vont recevoir Jésus, mais pour le moment, elles ne meurent pas. Personne ne meurt. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme je suis en train de traverser, bientôt je vais partir traverser en 2018, commence déjà à me préparer le chemin. Ouvre les portes de 2018, les opportunités, les bénédictions, les relations. Bien-aimé, je vous ai dit quand je parlais des aides destinées, que Dieu ne bénit pas les gens au hasard. Dieu passe toujours par une personne pour bénir une autre personne. Toutes les personnes par qui Dieu doit passer pour te bénir, commence déjà à dire au Seigneur de les mettre sur ta route. Là, quand tu entres en 2018, tu vas seulement les rencontrer. Ça va aller vite. Dieu doit les mettre sur ton chemin. Toutes ces personnes. Et Dieu doit commencer, tu dois commencer à préparer le cœur de ces personnes maintenant. À préparer leurs esprits. Et à demander à Dieu de les bénir. Parce que si elles ne sont pas bénies, elles ne pourront pas te bénir, toi. Tu ne connais pas ces personnes, mais Dieu va travailler. Et tout se passe dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toute personne que tu vas mettre sur mon chemin et que tu dois mettre sur mon chemin pour me faire du bien. Que ce soit en cette fin d'année, jusqu'à l'année prochaine, que le chemin, Seigneur, s'ouvre. Commence déjà à les aligner. Toutes les personnes que Satan voulait disperser, qu'elles reviennent. Je prie qu'elles soient bénies, qu'elles soient délivrées, qu'elles acceptent le Seigneur et qu'elles ne meurent pas. Bien-aimé, prie pour que ces personnes ne meurent pas. Prie que ces personnes, je connais des personnes qui ont tellement mis leur espoir sur des gens. Il y avait un garçon, c'est une de mes filles qui me racontait ça. Le gars comptait tellement sur son père. Mon père, quand je vais, mon père a dit que dès que j'aurai le bac, il va m'envoyer en Europe, il va me faire ceci, il va me faire cela. Dès qu'il a eu le bac, le père est mort. Peut-être Dieu a prévu que c'est ton oncle, ton père ou bien un ami ou une amie qui doit te faire du bien. Et le diable tue la personne. Mon ami, tu vas souffrir. Commence à prier. Satan, tu ne vas tuer aucune de mes aides. Aucune personne qui doit me faire du bien. Tu ne vas pas les détruire. Tu ne vas pas bloquer les entreprises. C'est quand toi, on doit t'aider que l'entreprise tombe en faillite. C'est quand on doit t'aider que la personne tombe malade. C'est quand on doit t'aider que la personne a des problèmes. Non. Prie pour cette personne où elle se trouve. En cette fin d'année, jusqu'au début de l'année prochaine, Dieu doit libérer la vie de cette personne. Cette personne doit recevoir le Jésus. Cette personne doit être protégée. Cette personne doit être guérie si elle est malade. Pour venir me faire du bien au nom de Jésus. Pour venir te faire du bien. Si cette personne était bloquée, qu'elle soit débloquée. Si cette personne était envoûtée, qu'elle soit délivrée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces personnes, Seigneur, s'alignent sur mon chemin. Pour me faire du bien, pour m'ouvrir des portes. Tu as besoin que quelqu'un tienne ta main pour t'emmener quelque part. Que cette personne s'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Nous allons arrêter là aujourd'hui. Demain, nous allons encore prier par la grâce de Dieu. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. En cette fin d'année, nous devons prier. Ce n'est pas qu'on doit seulement prier en fin d'année. On prie même en début d'année, mais en fin d'année, on doit beaucoup, beaucoup prier. Afin que le Seigneur nous préserve. Surtout qu'il nous préserve dans ses voies. Et qu'il nous fasse, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. 2017 n'est pas encore fini. Le Seigneur peut encore accomplir ce miracle dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à voir le Seigneur. Nous avons vu dans la dernière vidéo, dans Matthieu 5, je crois, le verset 13 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bien-aimé, si ton cœur est pur, tu verras Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dans quelque domaine que ce soit, tu verras Dieu agir, tu verras Dieu intervenir. Prie, prie, prie, prie. Le Seigneur est fidèle. Il veut seulement que ton cœur soit pur. Dès que ton cœur est pur, le Seigneur te libère. Parfois, le Seigneur nous résiste parce qu'il veut nous sauver. Il nous aime tellement. Il nous résiste. Parce que s'il nous bénit, on va penser qu'il est avec nous. Il nous résiste pour que tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Ce n'est que ce qu'il attend. Et il va t'exaucer. Je prie pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Ce week-end, nous avons un grand séminaire à Lyon qui commence demain. Si tu es du côté de Lyon, je ne maîtrise pas très bien la date, l'adresse, mais je vais communiquer ça sur ma page tout à l'heure. Je vais envoyer encore le spot afin que vous voyez aller de ce côté et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous restaurer. Je vous disais au début de l'année que mon bilan de 2017 est excellent. Le Seigneur est fidèle. Tout ce que je lui ai demandé, le Seigneur m'a accordé, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, je vous ferai ce témoignage. Parce que Dieu veut seulement qu'on se conforme à sa voix, qu'on se conforme à sa parole. Et lui aussi, il nous bénit à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie pour tous ceux qui étaient connectés ce soir, pour tous ceux qui verront cette vidéo. Seigneur, de près ou de loin. Seigneur, j'envoie cette vidéo dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, dans les voitures, dans les téléphones. Que le Saint-Esprit, qui est le plus grand média, amène ces vidéos jusqu'aux extrémités de la terre pour sauver un homme, pour sauver une femme, pour aider quelqu'un à se réconcilier avec toi, à faire la paix avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un, Seigneur, à être béni en cette fin d'année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, que toute personne qui va partager soit également béni. Que toute personne qui va partager, que ces sujets de prière soient exaucés dans le nom de Jésus. Toute personne qui va inviter une personne voir cette émission dans sa maison, quand elle verra ça sur son petit écran, Seigneur, que cette personne soit bénie, richement bénie dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et que je dis Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Dans le nom de Jésus-Christ, demain, par la grâce de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis, bénis, bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.